Ça fait 400 000 ans que j'ai pas ouvert un gigot. Moi je faisais des lovés en vendant des tissons. Client fidèle de Malaga à Rio. Go face ton client, je croise les schmitts en riant. Le harbi est grillé, mais le harbi est brillant. Pour passer la douane, je prends le poteau à Adrien. Air de repos, on s'arrêtera pour prier. Pendant qu'il conduisait, je regardais Cyprien. Seigneur, sol ou haine, nos liens sont dénoués. J'attaque, c'est des requins, j'ai sauté sans bouée. Jamais à bout, ce soir le jeu, c'est pour te faire chaîne, c'est pas pour échouer. Santé et bonheur, ta famille, tes frères, tes poteaux en réa. Marseille, c'est une ville, mais c'est nous les réals. Trois dates, trois buts, trois morts. Marseille, c'est un match et c'est nous le réal. Gros, on porte les couilles à personne. C'est la pire de mes versions. Dans le rap, y'a que des putes, passe le sel à ma personne. Famille nombreuse comme les Jackson. Famille nombreuse comme les Jackson. Pleure et je me console, je vis et je m'en personne. Mon père était maçon, ta mère était masseuse. On n'est pas tout seul. Famille nombreuse comme les Jackson. Famille nombreuse comme les Jackson. On porte les couilles à personne. C'est la pire de mes versions. Dans le rap, y'a que des putes, passe le sel à ma personne. Famille nombreuse comme les Jackson. Famille nombreuse comme les Jackson. Pleure et je me console, je vis et je m'en personne. Mon père était maçon, ta mère était masseuse. On n'est pas tout seul. Famille nombreuse comme les Jackson. Famille nombreuse comme les Jackson. On vient reprendre le Hazy. Famille nombreuse comme les Niang. Famille nombreuse comme les Hazy. Et merci Yacine. Zemmour voudrait qu'on dégage, que nos sœurs soient des femmes de ménage. Et merci raciste. Je reçois le kill à bon port, je fais des lovés encore. Merci le cas et merci Aziz. À jamais les premiers on t'a dit, j'ai l'étoile sur le torse. Et merci Basile. Quand tu te sens dans la merde, tu m'appelles. T'as peur qu'on fasse la guerre, gros bâtard. Moi j'ai gardé ma paire. Sans payer pour l'arme, on l'appelle. On le pèse, on l'appelle. Ta famille, tes amis que tu appelles. Je prépare mon album comme si c'était le dernier. Je suis venu, j'ai visé, j'ai cerné. Toutes ces années, j'ai fait le mec possédé. J'ai vendu mes CD, en gros, je vous ai permis. Je regardais vos coms, j'étais MDR. Il a fallu deux ans pour vous exciter. J'ai grandi à Herbel, je vais mourir à Herbel. Moi je suis pas un traître, j'ai pas fait 5 cités. Famille nombreuse comme les Jackson. Famille nombreuse comme les Jackson. Famille nombreuse comme les Jackson. Famille nombreuse comme les Jackson. On porte les couilles à personne. C'est la pire de mes versions. Dans le rap y'a que des putes, passe le sel à ma personne. Famille nombreuse comme les Jackson. Famille nombreuse comme les Jackson. Je pleure et je me console, je vis et je manque personne. Mon père était maçon, ta mère.